Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 juin 2017. Voici les grands titres de cette édition. Une femme du village 4 de la commune Guihanga en province de Bobanza est morte décapitée cette nuit de jeudi à vendredi. Un suspect a été arrêté. Après la mort de Ndizeye Oscar, au cachot du commissariat de police de Karoussi, sa famille refuse son enterrement avant que la lumière ne soit faite sur les circonstances de cette mort au cachot de police. Et le dialogue inclusif entre le gouvernement et le Sénared est la seule voie de sortie de crise au Burundi. Le porte-parole de cette plateforme politique de l'opposition estime que des réunions organisées par le médiateur national et le ministre de l'Intérieur procèdent d'une stratégie du pouvoir visant à montrer que la situation est bonne au Burundi. Les habitants de Rumonge ont mal accueilli l'interdiction faite à l'ONG Médecins Sans Frontières Suisse d'appuyer l'hôpital public de Rumonge. Et au ministère de la Santé, c'est toujours le silence média. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. La plateforme des opposants burundais Sénared estime que les rencontres politiques organisées par le bureau de l'Ombudsman burundais et le ministère de l'Intérieur ne vont aboutir à rien comme solution à la crise burundaise. Selon le porte-parole du Sénared, Jérémy Ngendakumana, la seule voie qui mène à une entente, c'est le dialogue inclusif entre le gouvernement burundais et le Sénared. Le reste explique que cette plateforme est une stratégie du pouvoir pour montrer que tout va bien au Burundi. Suivez Jérémy Ngendakumana, c'est le porte-parole du Sénared, au téléphone avec Placide Niyomwongere. Nous l'avons dit, il s'agit d'une petite farce stratégique de Bujumbura qui consiste en fait à rapatrier le dialogue entre les Burundais. En fait, tout le monde doit le savoir, la seule solution au problème burundais viendra de véritables négociations entre le pouvoir de Bujumbura et la plateforme Sénared qui représente toute l'opposition burundaise. Ce qui se passe à Kayanza, ce qui se passe avec le ministère de l'Intérieur, ce qui se passe avec le mouvement, c'est juste une farce pour montrer que tout va bien au Burundi, que les gens peuvent dialoguer, mais en réalité, tout le monde le sait, rien ne pourrait sortir de ce dialogue intérieur. Dans la retraite politique qui se tenait à Kayanza, il y avait la présence des opposants Burundi. Faut-il penser à ce que vous dites en haut, que rien ne va sortir de ces réunions alors qu'il y avait la présence des opposants? Ce qui s'est passé à Kayanza, ce qui se passe maintenant avec le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une stratégie qui consiste à rapatrier le dialogue, à chercher la paix là où réellement les chemins sont bouchés. Le seul chemin pour ramener la paix au Burundi, c'est un véritable dialogue inclusif entre la plateforme Sénared et le gouvernement de Bujumbura. C'est le seul moyen d'arriver à la paix au Burundi. Ne cherchez pas ailleurs, sinon ce qui se passe en fait est une farce qui consiste en fait à tromper l'opinion. Jérémy Ngendakumana, porte-parole du Sénared. 7 personnes ont été arrêtées par la police avec 5 motos et beaucoup de pièces de rechange pour motos dans une maison détruite le matin de ce vendredi dans la ville de Gitega. La police indique que ce sont des sentinelles qui logent des voleurs. Arthur Kavabouchi. La maison dans laquelle la police a arrêté des personnes et des motos se trouve dans la ville de Gitega au quartier Musinzira, côté quartier Nyamugari. Selon Hakizman Amerikiyo, le commissaire de police à Gitega, c'est une maison de Mori qui appartient à un arabe du nom de Khaza. Il a indiqué qu'il y avait une sentinelle du nom de Ngenze Make Tani qui avait amené sa femme et ses enfants là-bas, ainsi que 6 autres personnes qui l'hébergeaient alors que ce n'est pas permis. Les 7 personnes ont été arrêtées par la police ainsi que 5 motos volées, 10 motos démontées et plusieurs pièces pour motos et des plaques. Les informations que nous avons reçues disent qu'il s'agit d'un groupe de bandits qui ont été arrêtés. Cette sentinelle indique qu'il est réparateur de motos. Le gouverneur de la province de Gitega, Venamani Lambona, indique que c'est une opération qui a été menée ce vendredi et que 326 personnes ont été arrêtées. Il a indiqué que ces personnes ont été conduites au commissariat de la police à Gitega pour voir s'il y en a qui ont des identités et que ceux qui n'ont pas commis de délit seront ramenés chez eux et les autres traduits devant la justice. Il a invité les gens à se rendre au commissariat de police s'il n'y a pas une moto qu'ils auraient perdue afin de fournir des preuves. Le gouverneur de Gitega a demandé aux sentinelles et des magasins et des maisons détruites ou encore en construction d'abandonner ce comportement de loger des gens dont la plupart sont des voleurs. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burundi intervient dans un contexte où le pays est secoué par les séquelles d'une crise politique toujours présente. Pour le président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et des mentalités, PARSEM, pour renforcer et sauvegarder l'indépendance, il doit y avoir une cohésion sociale, élément fondamental. Suivez Faustin Dikouman. Pour la sauvegarde de l'indépendance, le premier élément fondamental, c'est la cohésion nationale. À l'absence de cohésion nationale, il est difficile qu'un pays puisse s'enclencher vers une dynamique de relèvement de développement économique digne de son. Alors, PARSEM a voulu relever les 6 atouts qu'il considère constituer la base solide de renforcement de cette cohésion. D'abord, le Burundi a arrêté d'être un État-nation. On a une même langue, on partage une même culture, il y a une cohabitation homogène à travers les collines, on se rencontre ici et là. Deux, même si dans le passé on a eu des crises répétitives, aujourd'hui on a pu avoir un accord de paix de réconciliation. Trois, il y a le fait d'avoir accepté que le régime démocratique soit érigé en mode de gouvernement avec la capacité d'organiser des élections régulières, même s'il y a des fois des manquements au niveau de l'organisation de ces élections. Quatrième, c'est l'existence des documents qui tracent l'orientation de la bonne gouvernance. Au niveau du développement, le pays s'est doté d'une vision 2025 qui nous montre la trajectoire pour arriver à un développement digne de son. Sixièmement, on constate une prédisposition de la communauté internationale à accompagner les Burundais dans un dialogue sincère pour vider leurs problèmes. C'est pour cela qu'on interpelle la conscience, surtout la classe politique, ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent le pays aujourd'hui, et ceux qui prétendent aussi arriver au pouvoir pour gérer ce pays. Nous interpellons la conscience des Burundais, de la classe politique en particulier, que si on voudrait renforcer cette cohésion, on devrait profiter de ces atouts, les mettre en valeur pour cimenter cette cohésion, facteur essentiel du renforcement de l'indépendance de notre pays. C'était Faustin Dikoumana, c'est le président de l'organisation PARSEM. Et le nommé Mohamed Seleman Saloum a été expulsé de force ce vendredi de la propriété où il vivait, sise dans la zone Kamenge, quartier Mirango, en mairie de Bujumbura. Cet homme avait occupé de mauvaise foi cette propriété appartenant à une orpheline qui est sa nièce. Et cette expulsion a été effectuée par la justice parce que Seleman n'a pas voulu respecter le jugement rendu le 2 février 2017, rétablissant l'orpheline dans ses droits. Il lui avait été accordé un délai de 30 jours pour s'exécuter et quitter les lieux. Didier Nyonzima. Ce bruit est celui d'un cadenas qu'on est en train de détruire sur la porte de la maison dans laquelle vivait Mohamed Selemani, et cela se fait devant les voisins, les juges et les policiers, car Mohamed est absent malgré la lettre qu'on lui avait remise lui informant cette expulsion. L'orpheline Rosine Selemani est heureuse de voir qu'elle peut enfin récupérer sa propriété, étant donné que son oncle paternel lui rendait la vie difficile. Je suis contente et je remercie la justice d'avoir pris cette initiative. Mon oncle, on ne pouvait plus se voir. Même quand on se croisait dans la rue, il m'insultait et voulait me frapper. Franchement, on avait une très mauvaise relation. L'oncle maternel de Rosine exprime sa gratitude face à cette décision de la justice, car Rosine va en fait avoir un toit et pouvoir continuer ses études. J'ai suivi ce procès depuis le conseil de famille. La famille avait explicitement reconnu cet enfant et il y a des écrits qui constituent une preuve. Nous avons été surpris de voir cet homme occuper de mauvaise foi la parcelle de sa nièce. Son oncle détenait déjà les écrits établissant la propriété de ses parcelles. C'est également lui qui détenait tout le contenu de la maison. Nous sommes dans ces jours surpris de voir cette fille maltraitée, d'autant plus qu'elle n'avait pas de résidence fixe. Elle avait même abandonné l'école alors que son père avait laissé une fortune considérable. Nous sommes pour le moment satisfaits de cette décision judiciaire qui rétablit l'enfant dans ses droits. Malgré cette expulsion, Rosine dit qu'elle a encore peur concernant sa sécurité et demande à la justice de suivre de près cette affaire pour qu'elle soit protégée. Merci Didier Nyonzima. La religion musulmane autorise aux hommes à se marier à plus d'une femme à condition de les traiter équitablement. Le point de vue est celui d'un des leaders musulmans, Cheikh Haruna Hondouiga, qui estime que la polygamie n'est pas un problème. Je dois d'abord dire que la polygamie n'est pas un problème. C'est plutôt une solution au problème. Et dans quel sens? Nous savons que dans ce monde, au Burundi n'est pas exclu, il y a plus de filles ou plus de femmes que d'hommes. Et les différentes tragédies qui arrivent emportent plus d'hommes que de femmes, encore une fois. Et ici aussi, dans notre pays, nous l'aurons constaté. Ce qui fait que il y a plus de filles, plus de femmes et des veuves qui sont là, qui n'ont pas cette chaleur familiale. Et deuxièmement, je dois d'abord dire que c'est une autorisation du Tout-Puissant. Dans le Saint-Coran, le chapitre 4, dans les premières lignes, à partir de la deuxième ligne jusqu'à la septième et huitième ligne, le Tout-Puissant nous dit, au lieu d'aller vagabonder, il faut prendre une femme, deux, trois, jusqu'à quatre, mais si vous voyez que vous ne pouvez pas être équitable, que ce soit alors une seule. Mais aussi, je dois dire que notre pays est laïque, et quand il est laïque, et la Constitution dit reconnaître la liberté du culte et la liberté de foi, et ceci, ça rentre dans notre culte et dans notre foi, je crois que les hommes politiques ne devraient pas vraiment s'en prendre à cette politique de la polygamie, qui est finalement autorisé, si nous la menons comme il se doit. Mais aussi, je dois dire que ces gens qui sont supposés être, entre guillemets, entre parenthèses, monogames officiellement, mais nous savons qu'officieusement, certains font du concubinage, ont plusieurs femmes d'à côté qui ne sont même pas reconnues par la famille. Et quand ils font des enfants, ces enfants ne savent pas à quel sens vouer. Je dois dire que s'ils s'engagent sur ce terrain, il est glissant, il ne pourra pas y parvenir, il ne pourra pas gagner, parce que là, on observe la volonté de Dieu. Donc, et celui qui combat Dieu n'a pas de place dans ce monde, ni dans l'autre. Haruna Hondouiga, pour rappel, lors de la célébration de la fête du travail et des travailleurs de cette année en province Makamba, le numéro 1 de l'exécutif burundais a donné l'ultimatum jusqu'au 31 décembre 2017 à tout polygame de congédier les autres femmes et de ne garder qu'une seule épouse. Et aucune religion ou communauté n'est au-dessus de la loi quand il est question de réprimer les fautes. Cela est dit par Aline Nijimbere, juriste. Elle indique que même si certaines religions ou communautés voudraient justifier le fait d'avoir plusieurs femmes, cela serait contraire à la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Cette juriste invite tout le monde à respecter la loi burundaise. Suivez Aline Nijimbere qui s'exprimait au cours de l'émission Mosaïque préenregistrée et qui sera diffusée ce samedi. Article 2 de cette loi même sur les violences basées sur le genre. Littéral C appelle l'union libre. Alors lorsqu'un homme et une femme vivent maritalement sans être unis par les liens du mariage, l'union libre se distingue du mariage par le fait que le mariage a été célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans le respect des conditions imposées par la loi. C'est ça l'officialité, les formes, les conditions imposées par la loi. Quelle est la loi nationale? En tant que juriste, je lis cette loi et j'ai une conception tout à fait différente de lui. Moi, franchement, je crois que lui aussi, même s'il dit ça, il sait ce que c'est l'officialité. Lui, il dit que pour sa religion, pour sa conviction, pourvu que les autorités religieuses ont été associées et ont béni. Mais s'ils ont béni ce qui est contraire à la loi, à la constitution, il n'y a aucune officialité. Ce sont les instances du pays qui donnent la compétence. On ne se donne pas la compétence. On a parlé de l'article 32 de la constitution sur la liberté d'expression d'association. Tout ça, et je suis tout à fait d'accord. Mais nos associations, qu'elles soient d'ordre religieux, juridique, économique, doivent aussi être conformes à la Constitution. Aline Nijimbere, juriste, qui s'exprimait, je le rappelle, au cours de l'émission Mosaïque préenregistrée et que vous pourrez suivre ce samedi. Je l'avais dit dans les titres, une femme du village 4 de la commune Guyang en province Bobanza est morte, décapitée cette nuit de jeudi à vendredi. Une personne soupçonnée dans ce meurtre a déjà été arrêtée. Correspondance de Space Caritas Kabanyana. Cette femme du nom d'Ndouimana Florence vivait seule, séparée de son mari, avec ses trois petits-enfants au village 4 de la commune Gihanga. C'est ce vendredi matin que ses voisins ont remarqué que la porte de sa maison a été défoncée. Ils ont constaté par après qu'elle a été tuée, décapitée et grièvement blessée au niveau du ventre, selon les témoins sur place au village 4. Un suspect du nom de Nzisabira Elvis a été arrêté ce vendredi matin pour enquête. Selon la même source, Il portait des habits entachés de sang, mais aussi il avait une blessure sur les doigts. De plus, il a passé la soirée chez la victime et un peu avant, pendant la journée, il a passé un bon moment avec l'ancien mari de cette femme, selon des témoins sur place au village 4 de la commune Gihanga. Selon des informations en provenance de sa famille, Nduimana Florence était en conflit avec son ancien mari et un procès à propos d'une affaire foncière est au tribunal. La police indique que les enquêtes continuent afin de trouver les auteurs de ce crime. Spes Caritas Kabanyana, Mubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Et toujours au chapitre sécurité, après la mort d'Ondizé Oscar au cachot du commissariat de police de Karouzi, sa famille refuse son enterrement avant que la lumière ne soit faite sur les circonstances de cette mort au cachot de police. La famille a saisi ce mercredi le parquet de Karouzi. Le premier substitut du procureur de la République dans cette province indique que l'autorisation d'enterrement de ce corps incombe au commissariat de police. Il explique que le dossier du défunt et ses co-détenus n'était pas encore arrivé au parquet. Cependant, il confirme que la famille du défunt a déjà saisi le parquet pour enquête. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains demandeurs de services de soins à l'hôpital public de Rumonge ont mal accueilli la mesure interdisant à l'ONG Médecins sans frontières suisse d'appuyer cette structure sanitaire. Une semaine après le départ de cette mission de MSF Suisse de Rumonge, le porte-parole du ministère de la Santé s'est jusqu'ici gardé de tout commentaire. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. C'est ce vendredi de la semaine passée que les employés de l'ONG MSF Suisse ont décidé de plier bagages à Rumonge, faisant même des donations de certains de leurs équipements, selon des sources proches des employés de cette organisation. Pourtant, elle était présente dans l'hôpital public de Rumonge depuis bientôt 6 mois, où elle avait même construit un centre d'isolement pour les malades atteints de choléra et avait aidé dans la fourniture des médicaments, selon les mêmes sources, tout en continuant les négociations dans sur les accords de partenariat technique avec le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Alors que MSF Suisse s'apprêtait à construire un bloc pour les urgences et un autre pour la pédiatrie à cet hôpital qui en a tant besoin et appuyer en médicaments 6 centres de santé de la province sanitaire de Rumonge, cet accord de partenariat n'a pas enfin été conclu. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida aurait exigé que MSF Suisse consomme des médicaments de Camebou alors qu'elle est approvisionnée à partir de la Suisse. Cette situation, doublée à la pression que cette ONG subissait dans le recrutement du personnel, a poussé à MSF Suisse de décider de partir, une décision mal accueillie du côté des bénéficiaires de ces services et de ceux qui allaient signer des contrats de travail avec cette ONG. On cherche des éclaircissements sur cette situation du côté du docteur Tadé Ndikumana, porte-parole du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida depuis mercredi, sans y parvenir, même s'il avait promis de s'exprimer ce vendredi matin. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Santé toujours, le cadre d'expression des malades au Burundi, Semabou, soutient les revendications des infirmiers de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Ces derniers ont observé un arrêt de travail de 2 heures ce jeudi, contestant le fait que les médecins spécialistes ne font pas de garde. Sylvain Hawanawakize, représentant légal du Semabou, demande aux médecins spécialistes de ne pas mettre en avant leurs intérêts au détriment de ceux des malades. Et au ministère de la Santé, il demande d'interroger la loi sur la compatibilité d'exercer à la fois pour le public et pour le privé. Suivez. Le cadre d'expression des malades au Burundi, Semabou, soutient les revendications formulées par les infirmiers de l'hôpital Roi Khaled pour deux raisons principales. La première étant que la grève ou tout arrêt de travail exécuté par le personnel d'une société dans les normes prévues par la loi est un droit que le Code du travail burundais les réserve. La deuxième raison est que, à part son manquement de non-respect de garde, le Semabou a reçu des informations qu'il y aurait certains médecins spécialistes du gouvernement ayant leur cabinet privé qui se concentrent dans leur cabinet privé plus que dans les hôpitaux de l'État. Conformément au Code du travail, légissant les employés du Burundi, tout employé doit totaliser 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Nous demandons au ministère et à la santé de la population, dans ses attributions, de prendre en main cette question afin de sortir un compromis qui va tranquilliser les malades ainsi que ses infirmiers. De vérifier si les médecins du gouvernement, ayant leur cabinet privé, respectent les heures de service prévues par le code du travail en vigueur. De sensibiliser tous les personnels disposés à accueillir les usagers du milieu médical et d'accueil courtois. Le ministère doit tenter d'interroger la loi si ce n'est pas incompatible d'être à la fois engagé au sein du gouvernement en même temps dans les cabinets privés. Et pour terminer ce journal, le recensement mené en 2008 a montré que le taux d'alphabétisme s'est élevé à 57,5%, tandis que celui de 90 s'est élevé à 62,7%, ce qui montre que le taux d'alphabétisation est à un niveau bas au Burundi par rapport à d'autres pays africains. Dans un atelier de validation du document de politique nationale d'alphabétisation, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Félix Mozeriniga, a souhaité que tout citoyen burundais ait une notion de développement en matière d'alphabétisation. On l'écoute. Ici au Burundi, si on compare avec les autres pays d'Afrique, le taux d'alphabétisation est un peu bas et il y a plus de 2 millions d'habitants qui ne savent pas lire et écrire. Donc, dans les objectifs de développement durable, on ne peut pas prétendre les atteindre sans que la population ne sache lire et écrire. Donc, c'est cet objectif que nous visons pour pouvoir permettre à tout Burundais d'accéder à ces facteurs, ces aspects de développement, à savoir lire et écrire, pour leur permettre une autonomie au niveau de la vie socio-économique dans son entourage. Donc, nous voulons que tout le monde sache lire et écrire pour qu'ils puissent s'autodévelopper, apprendre les métiers, s'insérer dans la vie socio-économique du pays. La première chose, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord de mettre une politique nationale d'alphabétisation pour bien orienter et cadrer les activités d'alphabétisation. La deuxième chose, cette année, nous allons mettre en place les coordinateurs, les services provinciaux d'alphabétisation qui vont organiser et orienter les activités au niveau de chaque province. Pour dire que nous sommes en 2017, si les coordinateurs provinciaux sont mis en place, ils vont s'atteler, ils vont se mettre au travail pour que d'ici au moins 5 ans, on ait aussi des responsables d'alphabétisation au niveau de chaque commune. Ainsi, d'ici 2030, on pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Félix Mozeriniga, c'est le ministre en charge de la fonction publique, le travail et l'emploi. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal, qui a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean-Bosco Ouimana. Bon après-midi.